Un jour, ils tombèrent sur un passage où le racontait qu'à l'époque d'Henri Loiseleur, Metz avait subi l'attraction germanique. « Vous voyez, mademoiselle, que vous avez été allemande une fois, » fit le professeur avec une malice bonhomme. Et il déclara ne pouvoir comprendre que des gens raisonnables perdissent leur temps à s'obstiner contre le fait accompli. Pourquoi bouder une nation où ils avaient occupé une belle place ? Où était le déshonneur de penser aujourd'hui comme leurs aïeux avaient pensé ? Colette, toute rouge, répondit « Je ne sais pas ce qu'ont pensé il y a 1000 ans les gens de Metz, mais je sais bien que je ne peux pas être d'Allemande. » Un geste de sa grand-mère essaya vainement de l'arrêter. La jeune fille poursuivit « Nous ne consultons que notre cœur. Et vous, monsieur Asmus, quand vous avez choisi votre fiancée, avez-vous consulté vos livres d'histoire ?» Le professeur examine, pèse cet argument. C'est un homme d'études, un savant. Sitôt qu'il réfléchit, il s'affale, arrondit son dos, en même temps que son regard, devenu extrêmement froid, exprime une formidable ténacité intérieure. Colette, qui craint de l'avoir blessé, accorde une concession. « Ah, si tous vos compatriotes étaient justes comme vous !» Monsieur Asmus est séduit, dérouté par cette gentillesse d'âme. « Et quoi, une culture qui ne doit rien aux livres ? » Monsieur le professeur n'avait jamais rencontré que des citernes, et maintenant il voit jaillir une source. On venait d'atteindre la seconde moitié de décembre, et depuis quelque temps arrivaient pour Monsieur Asmus toutes sortes de colis postaux. Il prenait des allures mystérieuses. La veille de Noël, vers 3 heures de l'après-midi, il rentra furtivement, chargé de paquets, et suivi d'un petit garçon qui portait un sapin. Peu après, il demanda une nappe blanche, et vers 5 heures du soir, vêtu de sa belle redingote, il se présentait chez les dames Baudoche. Il les pria solennellement de venir fêter l'arbre de Noël dans sa chambre. Le voyant habillé avec recherche, elles demandèrent qu'il les attendît un quart d'heure. Lorsqu'elles rentrèrent chez lui, il était à son piano. Il ne les salua pas, mais entonna aussitôt la chanson fameuse en Allemagne « Oh, beau sapin, que tes feuilles sont vertes !» Sur la table parée de la belle nappe blanche, au milieu des cadeaux de la Noël, brillait le petit sapin légendaire, garni de noix dorées, de pommes d'api, de bonbons, d'une foule de bougies et de fils d'or et d'argent, avec tout au sommet une grande étoile de verre miroitante. Sans sourciller, sans se détourner, tandis que les deux dames restaient sur la porte, séduites par l'étincellement de l'arbre, par l'excellente odeur balsamique, par cet arrangement de fête, il défila toutes les strophes de la chanson traditionnelle. Puis il se leva, vint à elles, leur serra la main et leur offrit à chacune un paquet soigneusement ficelé. C'était pour Colette une anthologie des poètes allemands, et pour Madame Baudoche un panier à ouvrage. « Et maintenant, dit-il, je voudrais que nous goûtassions. »« On peut dire goûtions, » rectifia Colette. « Goûtions ensemble ce beau gâteau qui est une spécialité de mon pays. » Il leur montrait un gâteau arbre, une sorte de tronc conique, creux dans le milieu et rugueux d'une écorce en sucre glacé. « Oui, dit Madame Baudoche, à condition que vous me permettiez d'y joindre une bouteille d'un vieux Bordeaux qui me vient de la famille V. » Colette, remontée de la cave, il leur montra les cadeaux alignés sur la nappe, des boîtes de pâtisserie, un marzipane de Nuremberg, tout noir, bardé de figues, de noix et de pommes sèches, des livres, un énorme porte-cigare en fausse écume, sur le bout duquel se tenait accroupi un sanglier, une douzaine de caleçons où ses initiales étaient largement brodées. Mais il exhiba avec le plus d'orgueil un coussin de toile écrue, sur lequel des arabesques de style moderne, en coton rouge, dessinaient les mots de « Nur ein Wertzeldstunden Schen », seulement un tout petit quart d'heure. C'était le cadeau de sa fiancée. Sans doute qu'elle avait voulu, par ces mots, lui fixer la durée de sa sieste. Et le professeur, avec un véritable attendrissement, leur dit « Il est rembourré de ses cheveux ». Colette et sa grand-mère parurent stupéfaites, et d'une même voix demandèrent « Comment elle a coupé ses cheveux ?» « Que pensez-vous ? » dit le professeur. « Ce sont ceux qui tombent quand elle fait sa toilette. » Ces dames étaient préoccupées de lui rendre sa politesse. Depuis 1904, un groupe de médecins fait venir, chaque hiver, des conférenciers de Paris. Madame Baudoche eut l'idée de conduire Monsieur Asmus à l'une de ces réunions. « Il a l'air d'aimer beaucoup les choses françaises, » disait-elle, « et puis ça le flattera. » Est-ce qu'on boit ? Demanda le professeur. Il ne comprit pas le sursaut des deux femmes. Il était bien de la race des idéalistes qui, sur leur colline sacrée de Barot, après avoir entendu leur prophète durant une heure, s'élancent sur la bière et la charcuterie et recommencent de rêver et recommencent de s'empiffrer, alternativement, d'acte en entr'acte, incapables, fût-ce dans ces jours consacrés au sublime, d'épurer leurs grossières habitudes. Tous les messins qui gardent le souvenir de la France assistent aux conférences. Ces soirs-là réapparaissent un tas de boudeurs et de misanthropes, qui passent leur vie enfermés chez eux pour ne pas voir les transformations de leur ville. Des revenants extraordinaires, quelques-uns portant toujours la grande moustache impériale de l'ancienne armée. Ils entrent à l'hôtel du Nord, dans la salle des conférences, avec un air de bataille. On les dirait venus en service commandé, et pour entourer le drapeau. À leur côté, ces vieilles demoiselles et ces veuves qui sont à mettre les servantes de souvenirs. Et puis quelques familles bien au complet. Le mari, la femme, les jeunes gens, jusqu'au petit garçon que leur récompense d'avoir été sage. Ces 200-300 personnes s'abordent avec une courtoise familiarité, sans éclat de voix. On fait passer au premier rang les conseillers municipaux indigènes, les membres de l'académie de Metz, quelques personnes de la noblesse venues des châteaux d'alentour, et les vieux bourgeois notables. Mais qu'il survienne un conseiller de préfecture ou quelque officier en uniforme, il faut bien les conduire eux aussi aux places d'honneur. Un certain nombre de tristes observateurs, disséminés çà et là, et que chacun depuis longtemps connaît, ne parviennent pas à dégrader par leur présence cette soirée, dont ils vont faire un rapport de police. Vraiment, la discrétion des toilettes, la mesure des gestes et des paroles, aussi bien que la parenté des visages, saisissent au milieu de cette ville à demi germanisée et sous les banderoles qu'a laissé le dernier concert d'une corporation allemande. C'est bien là une société impénitente, les vestiges de la République messine. Tel est le milieu où Madame Baudoche vient d'amener son locataire, avec la vanité de l'initier à un monde d'élite. La bonne dame, fort bien vêtue, est assise, ayant à sa droite l'étranger, à sa gauche sa fille, et dans son cœur elle se réjouit comme une marquise, faisant admirer ses portraits de famille. Cette qualité de la salle, l'orateur parisien le sentit dès qu'il s'avança sur l'estrade, avec une force qui allait jusqu'au malaise. Non pas qu'il eût, ce professionnel de la conférence, une imagination excessive, mais c'était un Français qui revenait sur un des plus tristes champs de bataille de sa race, et voici qu'il y trouvait, pour l'accueillir avec une salve d'applaudissements, les blessés qu'on avait abandonnés. « Quoi, vous êtes toujours là » pensait-il. Et saisi d'une émotion qu'il n'avait pas prévue, il aurait voulu se taire, écouter ce touchant auditoire. Il improvisa une phrase sur sa confusion de ne venir à Metz que pour un bavardage. Cette pensée, si vraie et profonde qu'elle fût, ne passa pas la rampe. Elle échappa à ce public qui, dans cette minute, ne songeait qu'à se faire reconnaître et de qui tous les yeux disaient « Tu vas voir comme nous sommes des Français, t'es pareil. » Mais le jeune homme ne pouvait pas s'en tenir à regarder avec amitié des braves gens qui, tout de même, avaient retenu leur place comme à un spectacle. Il entra dans son rôle de conférencier. Au jugement de tous, il avait choisi le plus beau des sujets, les soldats glorieux de la Lorraine. Mais devant de tels auditeurs, qu'importe le sujet, ils n'ont pas besoin qu'on nomme la France ou Metz pour connaître qu'il ne s'agit de rien d'autre. Un beau langage sans trop de modernité, une éloquence un peu académique, avec des pointes et des traits, voilà une atmosphère où ils sont à l'aise et que les Allemands ne peuvent pas respirer. Cela, il tenait à le faire entendre, de toutes les manières, aux conférenciers. Il guettait les moindres allusions. « Vois, nous te suivons, nous te devançons, nous sommes naturellement capables de saisir toutes les finesses de ton discours. C'est ce qu'un Prussien ne saurait faire. Et nous te savons gré de nous fournir l'occasion d'employer nos qualités héréditaires, que les Schwabs laissent moisir. » Ce qui unit les Lorrains sur ces banquettes, autour de la voix de l'orateur, plus intimement qu'une famille ne s'assemble autour de la cheminée en hiver, c'est un sentiment d'ordre religieux. Des paroles qui ne sont pas prononcées, des événements auxquels le conférencier ne fera pas allusion, hantent leur mémoire. Le moindre jeu du visage, un geste, un silence même, les ébranle mieux que ne le ferait la plus libre exposition ou la plus directe apostrophe. Et cette bonne volonté envers ce Français, cette impatience de l'approuver avant qu'il se soit expliqué, surtout ce désir de rire avant qu'il ait de l'esprit, émeut jusqu'à la tristesse. M. Asmus admire l'aisance des gestes, la clarté et l'harmonie de la langue. Il trouve toutefois qu'on va trop vite. Quand la salle a bien ri, il voudrait que l'on s'arrêtât un peu, pour que chacun eût le temps de comprendre le sens exact de ce rire. Il craint de se laisser séduire par un attrait frivole. Sans doute un conférencier allemand qui lit ou récite un mémoire semble traînant auprès de ce français. Mais celui-ci ne sacrifie-t-il pas à la beauté de la période? Que restera-t-il de ce brillant feu d'artifice? M. Asmus veut tout prendre au sérieux. Cela lui fait commettre des contresens. Le conférencier raconte la fameuse soirée que passèrent à Burgos en 1808 les trois messins Lassalle, du Coetlosque et Roderer. Le général Lassalle, qui rentrait en France, demandait à chacun « Vous ne me chargez de rien pour madame ?»« Si vous voulez, général, l'embrasser pour moi. » »« J'ai déjà cette commission pour plus de 20 personnes. Je ferai face à tout, messieurs. Vous pouvez y compter. »« Oh là, oh là !» s'écrie l'Allemand, qui redoute que le général Lassalle et ses petits-neveux messins ne manquent de sens moral. Ainsi travaille l'esprit de M. Asmus, au milieu des messins, dans la salle de l'hôtel du Nord. Il se tient cérémonieusement comme un digne professeur dans une fête officielle. Mieux encore, comme un dieu germanique qui assisterait à un conciliabule des dieux latins, vaincus et chassés du territoire. Il s'intéresse à ces vieilles divinités. Il s'étonne qu'elles aient gardé cette jeunesse, tant de ressorts. Et si les policiers disséminés dans la salle voulaient troubler cet enchantement, cette nuit du Walpurgis classique, en sa qualité de professeur, il serait tout prêt à s'interposer, tant il est ravi de voir vivant sous son regard ce qui sommeillait dans un morne chapitre de son manuel général de la civilisation. On applaudit guère durant la conférence. Cette interruption semblerait peu polie. Les messins attendent que l'orateur se lève pour manifester leur plaisir, leur accord unanime. On vient de se revoir. Après 37 ans, l'on constate que l'on joue encore à l'unisson. Et sur le seuil de l'hôtel du Nord, à la sortie, les sentiments de satisfaction s'échangent, se développent, propagent une atmosphère favorable. Les dames Baudoche, sans présenter leurs compagnons, s'excusent un peu de ci, de là. « C'est un professeur. Il a si fort le goût de la langue française que nous avons pris sur nous de lui faire entendre ce qui peut améliorer son accent. » Tous trois reviennent à pied, heureux de respirer la fraîcheur. Ils croisent dans la nuit des groupes de petites gens qui vont se coucher en sifflant à la sourdine la Marseillaise. Les deux femmes sont triomphantes et ramènent leur Allemand tout épanoui. Assurément, Colette et sa mère n'ont pas toujours compris le sens, et M. Asmus n'a pas toujours compris les mots, mais ils savent bien les uns et les autres tout ce que cela voulait dire. Et du profond de son cœur, Mme Baudoche tire la morale de cette soirée, en faisant cette remarque si vague qu'avant la guerre à Metz, c'était toujours ainsi. Il y eut une rumeur en ville jusqu'à 10h, 10h30. M. Asmus, avant de s'endormir, élabora beaucoup de réflexions, sur lesquelles il revint indéfiniment au cours des veillées qui suivirent avec les dames Baudoche. C'était toujours par la même formule qu'il commençait. « Ce qui m'a frappé, disait-il, et l'honnête pédant traduisait en abstraction ce qui avait été vécu spontanément sous ses yeux. Tant de délicatesse, aussi bien que les grâces de la pensée, lui semblaient de plus en plus des vertus fixées dans la nation française par les loisirs de la richesse. Il tenta de calculer au bout de combien d'années, étant donné l'accroissement des exportations prussiennes, ses compatriotes de Königsberg pourraient composer une pareille salle. Il croyait pouvoir affirmer qu'à Berlin déjà, on commençait d'avoir une fantaisie qui vaut l'esprit français. Ainsi disait-il à mon dernier passage, j'ai vu dans les rues une réclame d'une imagination charmante. C'est un laitier qui l'a trouvé. Il fait circuler des voitures somptueuses où de très jolies filles, habillées comme des nourrices, portent en gros caractères à la hauteur des seins, les pures. Fi, quelle horreur, dirent les deux femmes. M. Asmus, ravi d'être initié à la politesse française, voulut à son tour charmer les dames Baudoche, et il saisit une occasion de leur faire voir le profond sérieux germanique, dans sa double expression la plus gracieuse, la jeune fille et la musique. Madame Baudoche avait plusieurs fois raconté qu'avant la guerre, on faisait d'excellentes musiques dans les salons de Metz, et qu'un jour, au château de Gorze, elle avait vu le maître Ambroise Thomas s'asseoir au piano. M. Asmus offrit à ces dames de les introduire chez une maîtresse de chant qui donnait un concert d'élèves. La vieille Messine répugnait à se rendre dans un milieu tout à fait allemand, mais elle accepta pour ne pas désobliger le locataire. Une centaine de personnes s'étaient réunies qui commencèrent à se distribuer les unes aux autres, et chacune par trois fois des saluts mécaniques. C'étaient les parents et les amis des élèves. Celles-ci, en petite robe de mousseline blanche, occupaient les premiers rangs des chaises, et tour à tour, elles vinrent se produire sur la scène. Chacune débutait et finissait par une révérence, dont elle faisait un des gestes les plus disgracieux qu'on pût se voir, même en Allemagne. La fille, tenant des deux mains sa robe à droite et à gauche, fléchit brusquement les genoux, sans incliner d'une ligne son buste et tout le corps demeurant roide. Colette ne put longtemps se tenir de répondre à cette double saccade par deux sursauts involontaires. « Mademoiselle, dit le docteur mécontent, je vois que vous êtes très moqueuse. » Mais Colette maintenant surveille avec sévérité, tout au fond de la salle, une jeune fille qui, en quittant l'estrade, est allée rejoindre un lieutenant. Il est debout, assise contre lui. Elle l'enlace du bras droit et leurs mains se rejoignent sur la garde du sabre. Elle appuie sa tête amoureuse sur la hanche gauche du guerrier, qui, sans fléchir la colonne vertébrale et raide dans son col, abaisse vers elle un regard martial, indécence naïve, qui, dans cette foule, n'a eu ri que la petite Colette. « Ce sont des fiancés, dit avec compunction le professeur. Ce mot magique n'a pas la vertu de troubler le goût de Colette. Elle réprouve d'instinct une fausse sentimentalité dans toutes ses mousselines, une caricature du sublime dans ses roucoulements musicaux, une parade menteuse de tendresse dans ses langueurs en public. Bien qu'elle soit incapable de faire l'analyse de ses affectations, cette petite Messine positive va droit à leurs mensonges. Rien n'excite davantage notre ironie qu'un maître en qui nous reconnaissons de véritables infériorités. Les fières populations lorraines auront disparu le jour où, dans le pays messin, ce sera fini de rire de vainqueurs aussi balourds. Un soir de février, M. Asmus annonça que l'empereur et la famille impériale, alors en séjour au modeste château d'Urville, allaient venir à Metz pour une fête militaire et qu'on les recevrait avec un apparat inaccoutumé. Il offrait aux deux dames ses fenêtres d'où l'on voit, sur l'autre côté de la Moselle, toute la place de la préfecture. Madame Baudoche remercia en termes prudents et Colette se tut. Mais lui, bien éloigné d'admettre un refus, réserva leur place. De plus, il invita quelques-uns de ses collègues, avec un secret plaisir de leur montrer ses logeuses, car elle croyait deviner chez eux des préventions qui le contrariaient. Bientôt, les immigrés commencèrent à parer leur maison. Ils s'y employaient avec zèle. Montés sur des échelles, penchés à leurs fenêtres, ils exposaient des bustes de Guillaume II, clouaient des draps et des branchages, collaient des aigles stylisés, étalaient des éventails de couleurs tendres, et piquaient dans la mousse une multitude de petits drapeaux d'enfants. Mais le principal moyen décoratif que connaissent les gens venus d'outre-Rhin, ce sont d'épaisses guirlandes de sapin, graves jusqu'à la tristesse. Quand elles encadrent le drapeau noir et blanc de la Prusse, elles produisent un effet d'une beauté sépulcrale. Heureusement, les charcuteries étaient en liesse, qui présentent dans les quartiers germanisés une espèce de physionomie officielle et tiennent avec plus de splendeur le rang de nos bureaux de tabac. Leur parfaite satisfaction corrigeait l'aspect un peu funéraire de cette ville parée à la prussienne. Le jour venu, et toute chose étant bien en place, les gens se mirent en mouvement. Les jeunes filles, habillées de blanc, avec des bas et des souliers noirs, se rendaient au point où elles devaient offrir des fleurs à l'impératrice. De vieux guerriers, en casquette militaire et couverts de médailles, arrivaient des lointains villages pour assurer le service de l'enthousiasme. Ce n'étaient partout que les chapeaux hauts de forme des innombrables sociétés germaniques. Mais tout cédait à la splendeur des officiers, graves et vêtus de couleurs tendres, menant des soldats battant neuf. C'est une chose toujours émouvante, ces corps de troupes qui se déplacent dans tous les sens, à travers une ville resserrée et sonore, ces voix brutales qui donnent des ordres, ce pas lourd, scandé, et puis le « halte », et le bruit des crosses, et plus encore le silence qui succède. L'immobilité que la force parvient soudain à s'imposer invite à la crainte et nous rend sensibles, mieux qu'une agitation, la puissance. Les jeunes professeurs arrivèrent chez Asmus avec une certaine excitation nerveuse d'ordre patriotique. Mais ces dames se faisaient attendre, et quand la moute commença de tinter sourdement pour avertir que l'empereur pénétrait dans Metz, M. Asmus alla frapper à leur porte, avec un peu d'impatience. « Madame Baudoche, mademoiselle Colette !»« Vous êtes trop aimable, » dit la grand-mère. « Nous voulons vous laisser avec vos amis. » Et comme il assurait que ceux-ci seraient très heureux de leur faire place, Colette répondit qu'elles avaient tellement à faire. Le naïf jeune homme ressentit une déception de quelque chose de gracieux. D'aimable fut séparé de la force et du loyalisme. Cette séparation contrariait le sentiment noble qu'il éprouvait dans cette minute, et il insista avec sincérité. « Allons, mademoiselle, pour le passage de l'empereur, vous pouvez vous interrompre un instant. »« Merci, monsieur, je ne dis qu'un pas trop. » Voilà donc le fond de leur âme. Ah, vraiment, il ne les aurait pas crues aussi chauvines. Colette répondit avec douceur. « N'est-il pas naturel, monsieur le docteur, que nous tâchions d'éviter ce qui nous attriste ?» Ses amis l'appelaient. La moutée résonnait toujours. La musique entonnait la marche de Sambre-et-Meuse, que les Alsaciens lorrains emploient volontiers pour exprimer leur opposition et que l'empereur a jugé habile d'adopter. Ces airs guerriers dans les rues messines, vrais couloirs de forteresse, c'est quelque chose de lourd qui martèle les murailles et les cœurs et qui donne une impression formidable de puissance. À cette minute, il se faisait chez tous les Allemands une communion de pensées et de sentiments, une vaste unité spirituelle. Une sorte de tempête arrivait du fond de la Prusse, une onde irrésistible et insaisissable, bien plus large, épaisse, aveuglante que les nuages de poussière qu'avaient soulevé d'Urville à Metz les automobiles impériales. À travers les rues étroites de sa belle cité, de sa noble prise, l'empereur allemand s'avançait à cheval. En tête du cortège, un escadron de Uhlans précédait la voiture, attelée à la Daumont, de l'impératrice auprès de ce qui était assise, la princesse héritière du trône. L'impératrice saluait sans trêve, avec la bonne grâce d'une vieille dame au coin de sa cheminée. La jeune princesse avait la sveltesse et presque la gaieté d'une joueuse de tennis. Après elle venait le groupe magnifique des cavaliers impériaux. Guillaume et son fils encadraient le de leurs officiers d'ordonnance, l'empereur en uniforme blanc, avec une écharpe orange et le bâton de maréchal à la main, chevauchait dans une attitude imposante, préoccupé, semble-t-il, de donner une image de la force plutôt que de séduire. Sans un sourire et gardant une constante raideur de tout le corps, il promenait, à droite et à gauche, des regards de maître, comme un inspecteur général de l'Empire. Pourtant, s'il voyait un balcon avec des dames, une demeure plus élégante, il saluait. Les figures jeunes et saines de ses fils complétaient d'une belle espérance ces vigoureuses réalités. Un escadron de Uhlans, puis une cohorte d'écuyers ou de laquais à cheval fermait la marche, suivie d'une file de dignitaires en voiture. Les tintements graves de la mute et les sonneries de toutes les églises se mêlaient aux acclamations loyales des Allemands. Parfois, sur un espace de 30 ou 40 mètres, on place des hoches. Régnait un morne silence et nulle tête ne se découvrait. Le fier cortège traversait un îlot d'indigènes. Mais cette abstention ne pouvait que rappeler aux vainqueurs l'orgueil de fouler une nation de vaincus. Les jeunes professeurs n'aperçurent qu'une seconde l'empereur, quand il descendait vers le pont, à la hauteur de la rue des Pics. Mais ils le revirent amplement, le chef de leur race, sitôt qu'il arriva de l'autre côté de la rivière, sur la vaste place où les aigles de Napoléon décorent encore la préfecture, et que la musique entonna l'hymne national allemand. « Nous te saluons, couronné de laurier du vainqueur. » Quel spectacle saisissant, et qui ranime chez tous l'enthousiasme de la victoire. Chacun des hôtes de M. Asmus participe des plaisirs d'orgueil de son empereur. Il est là, entouré des siens, dans un appareil à la fois majestueux et familial, celui qui incarne les morts, les vivants et ceux qui naîtront. Quelles doivent être les sensations d'un tel héros? Ce n'est pas donné à un loyal sujet de les connaître, mais qu'un Allemand les éprouve dans leur plénitude, voilà qui épanouit l'orgueil de chacun. M. Asmus, à cette minute, était séparé par un habib des dames Baudoche. Il n'était plus celui qui, durant quelques semaines, s'était laissé séduire par une petite intimité monotone et froide. Mais le cœur tout en feu, il voyait les deux femmes comme des rebelles tapis au fond de leur obscure retraite. Ses camarades l'entraînèrent. Les brasseries regorgeaient d'officiers, de fonctionnaires avec leurs familles, et de vieux guerriers, au gosier desséché par les orques, l'inoubliable grand-père, l'épée de Brandebourg, le loyal allemand, et le fidèle poméranien. Toute la ferblanterie de l'Empire s'entrechoquait dans une multitude de toasts. Les orchestres jouaient sans relâche des morceaux patriotiques, et de temps à autre, s'ils entonnaient le « Reich an Rem », la salle entière chantait. Dans la griserie de tout ce peuple de Germains, on sentait l'orgueil de se trouver sur un sol conquis. Les sentiments guerriers héréditaires, depuis longtemps assoupis chez le jeune professeur, reprenaient en lui toute leur virulence, et jouissaient comme d'une vertu et d'une volupté centrée, avec toute sa force individuelle, dans un ensemble, pour devenir l'humble molécule d'un grand corps. Cette fraternelle entente de M. Asmus avec ses collègues, ce matin après le départ de l'empereur. Au milieu de mars, il continuait de déserter, chaque soir, la lampe et les conversations des dames Baudoches.